Si je te tiens jamais dans la montagne, lui disais-je, je serai sûr de toi. Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. Ah, tu es jaloux, répondait-elle. Tant pis pour toi. Comment es-tu assez bête pour cela? Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent? Lorsqu'elle parlait ainsi, j'avais envie de l'étrangler. Pour le faire court, monsieur, Carmen me procura un habit bourgeois avec lequel je sortis de Séville sans être reconnu. J'allai à Rérès avec une lettre de Pastia pour un marchand d'Anisette chez qui se réunissaient des contrebandiers. On présenta ces gens-là, dont le chef, surnommé le Dancaire, me reçut dans sa troupe. Nous partîmes pour Gaussin, où je retrouvai Carmen, qui m'y avait donné rendez-vous. Dans les expéditions, elle servait d'espion à nos gens, et de meilleur, il n'y en eut jamais. Elle revenait de Gibraltar, et déjà elle avait arrangé, avec un patron de navire, l'embarquement de marchandises anglaises que nous devions recevoir sur la côte. Nous allâmes les attendre près d'Estepona, puis nous en cachâmes une partie de la montagne. Chargés du reste, nous nous rendîmes à Ronda. Carmen nous y avait précédés. Ce fut elle encore qui nous indiqua le moment où nous entrerions en ville. Ce premier voyage, et quelques autres après, furent heureux. La vie de contrebandier me plaisait mieux que la vie de soldat. Je faisais des cadeaux à Carmen. J'avais de l'argent et une maîtresse. Je n'avais guère de remords, car, comme disent les bohémiens, Gall, avec plaisir, ne démange pas. Partout, nous étions bien reçus. Mes compagnons me traitaient bien et même me témoignaient de la considération. La raison, c'est que j'avais tué un homme, et parmi eux, il y en avait qui n'avaient même pas un pareil exploit sur la conscience. Mais ce qui me touchait davantage dans ma nouvelle vie, c'est que je voyais souvent Carmen. Elle me montrait plus d'amitié que jamais. Cependant, devant les camarades, elle ne convenait pas qu'elle était ma maîtresse, et même, elle m'avait fait jurer, par toutes sortes de serments, de ne rien leur dire sur son compte. J'étais si faible devant cette créature que j'obéissais à tous ses caprices. D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle se montrait à moi avec la réserve d'une honnête femme, et j'étais assez saine pour croire qu'elle s'était véritablement corrigée de ses façons d'autrefois. Notre troupe, qui se composait de 8 à 10 hommes, ne se réunissait guère que dans les moments décisifs, et d'ordinaire, nous étions dispersés 2 à 2, 3 à 3, avoir dans les villes et les villages. Chacun de nous prétendait avoir un métier. Celui-ci était chaudronnier, celui-là maquignon. Moi, j'étais marchand de mercerie. Mais je ne me montrais guère dans les gros endroits à cause de ma mauvaise affaire de ces villes. Un jour, ou plutôt une nuit, notre rendez-vous était au bas de Végère. Le Dancaire et moi, nous nous y trouvâmes avant les autres. Il paraissait fort gai. Nous allons avoir un camarade de plus, me dit-il. Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours. Elle vient de faire échapper son rhum qui était au Presidio Tarifa. Je commençais déjà à comprendre le bohémien que parlaient presque tous mes camarades. Et ce mot de rhum me causa un saisissement. Comment? Son mari? Elle est donc mariée? Demandai-je au capitaine.